Alors Marillion, c'est également un groupe phare du progressif. Et j'aimerais avoir le sentiment d'Alain sur Marillion. Et puis bien sûr, pour continuer ce qu'on disait tout à l'heure, sur le guitariste de Marillion, Steve Rothery. Alors Alain. Bien, alors comme je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste de Marillion. Alors bien sûr, j'aime bien. Mais par contre, je n'ai pas vraiment d'avis sur le guitariste parce que je le connais assez mal. Donc quand j'écoutais Marillion un petit peu comme ça, parce que je n'ai aucun disque d'eux, j'ai surtout, disons, apprécié le chant et le charisme de Fish, donc à l'époque. Et voilà, puis une musique bien construite, enfin un bon son, enfin, c'est quand même un groupe plaisant à écouter. Je ne les ai jamais vus en concert, mais bon, ça viendra sans doute, bien que sans Fish. Ou alors Fish, mais sans Marillion, ça fait deux concerts. Et voilà, donc je... Humblement, je n'ai pas trop donc de choses à dire sur Marillion. Oui. Tu as pas tellement ressenti ce renouveau progressif quoi avec Marillion. C'est-à-dire que moi j'ai donc été un grand fan de progressif, donc bon, dans la foulée avec Genesis, Yes, et en France bien sûr Ange. Et puis bon, des groupes qui n'étaient pas vraiment progressifs, mais dans un courant quand même un peu similaire comme Magma ou Gong ou d'autres comme ça. Voilà, novateur quoi. Voilà, novateur et où vraiment j'ai pris mon pied pendant des années. Et puis, il faut dire qu'ensuite, un peu comme d'autres, je me suis un petit peu détourné de ce courant, un peu par lassitude, un peu aussi parce que, bon, étant jeune à l'époque, donc j'ai un peu suivi aussi le mouvement médiatique qui laissait un petit peu tomber tout ça. Voilà, la New Wave, ben, voilà, etc. J'ai... Et alors, qu'est-ce que tu as écouté justement pendant ces années, cette longue traversée du désert, ce qu'on appelle pour nous, entre 77, on va dire 80, puisqu'il y a eu UK qui a duré jusqu'en 80. 79, donc 79 jusqu'à 83, la renaissance du progressif. Qu'est-ce que tu as écouté? Tu t'es orienté sur quoi? Mais c'est-à-dire donc juste après donc un peu la disons la décrépitude, on peut dire ça, du progressif, donc à partir des années 76, 77, dans ces années-là où il y a eu le punk. Moi j'étais branché à fond jazz rock dans ces années-là. Donc j'écoutais beaucoup des gens qui naviguaient justement entre le jazz rock et le progressif, comme le groupe de Bill Bruford. Ou Alan Allsworth, donc guitariste de UKIP, ouais, mais ensuite carrière solo et tout ça. McLaughlin peut-être. Voilà, bien sûr, McLaughlin, dont j'ai eu l'honneur de faire une première partie donc en 82, oui, à Salon, au château de l'Empérie. Raconte un petit peu quelques détails. Un grand souvenir, d'autant plus que on était un trio de guitares acoustiques, donc dans la lignée de ce qu'il faisait avec Aldi Meola. Et Paco de Lucia, donc ce petit côté-là. Et on faisait pas mal de reprises, justement, de McLaughlin. Et il s'est trouvé que ce soir-là, on en faisait une. Et le grand moment, c'est quand il est venu avec sa guitare juste à côté de nous. Et il a joué en même temps que nous, quoi. Mais c'était en première partie, vous étiez en première partie concert de lui. C'était un concert de son groupe, donc sous son nom, McLaughlin. Mais enfin, il y avait pas mal de musiciens avec lui. Et nous, on était en trio de guitare en première partie. D'accord. Et le groupe s'appelait comment alors, ce trio de guitare? C'était quoi alors? C'était pas le Quartier Nord? Non, pas du tout. Non, mais notre trio de guitare, en fait, n'avait pas vraiment de nom. Il y avait chacun de nos noms, quoi. D'accord. Et le bonhomme, le contact, il y a eu un contact, vous avez discuté un petit peu? Oui. Alors, grande classe, le gentleman anglais tel qu'on peut l'imaginer, très poli. Oui, c'est ça. Enfin, impressionnant, intimidant même. Alors, tu as eu des rencontres intéressantes, donc Christian Descamps, McLaughlin, oui. Qui c'est que tu as croisé encore dans ta carrière? J'ai eu l'honneur aussi de croiser Alan Allsworth. Ah oui, alors des détails aussi là. Voilà, alors lui par contre, c'est quelqu'un très très humble, bien que donc à mon avis un des meilleurs guitaristes actuels. Rappelle un petit peu pour les auditeurs sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait ce Alors justement, il a commencé par des groupes comme Yuki, dont il faisait partie. Il a aussi été dans Soft Machine, époque Bundles, donc l'époque 75-76. Ah, ouais. Mais là, en fait, il était plutôt musicien de studio que réellement membre du groupe. Ouais, d'accord. Ensuite, il a joué pas mal avec Tony Williams, donc le batteur, avec Tony Williams New Lifetime, puisqu'il y a eu deux formations. Et ensuite, il a continué plutôt en carrière solo. Donc, il continue toujours et il sort au moins chaque année un splendide album. Et il reste le maître incontesté, enfin un des maîtres incontestés de la guitare électrique. Je crois que mon beau-frère qui doit écouter partage totalement ce point de vue, c'est un guitariste aussi chevronné. Vous, une grande admiration pour Allsworth. On n'est pas les seuls, puisque Van Halen le cite parmi ses guitaristes favoris et avoue même qu'il se sent tout petit à côté de lui. Et c'est marrant parce qu'il a jamais vraiment percé, hein. Il est connu. Oui, c'est ça. Il est connu, mais pas recherché, comme on dit. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu as croisé encore comme Eh bien, donc, à part ça, donc, j'ai été un grand fan, et je le demeure, de rock progressif, mais italien. Ah, on va y venir. Et voilà, et ce qui s'est passé, c'est que quand, en France et peut-être en Angleterre, le rock progressif s'est effondré doucement, en Italie, eh bien, ça a duré. C'est-à-dire que, bon, il y avait quand même des groupes comme PFM ou comme Banco qui ont quand même... qui sont largement entrés dans les années 80, quoi, qui n'ont pas disparu en 77, 78, qui faisaient beaucoup de monde, les concerts de Premiata, ils faisaient le plein. On peut remercier les Alpes qui ont protégé. Voilà, ou un groupe comme Area, que j'ai considéré comme une des meilleures formations européennes, qui malheureusement s'est arrêtée assez tôt à cause de la mort du chanteur, donc en 78, 79. Donc, bon, ben là, Demetrio Stratos, c'est ça? Demetrio Stratos, oui, une grande voix. Alors, et voilà. Ouais, vas-y, voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai écouté? Bon, ben, je suis un petit peu revenu aux sources, je me suis réécouté du vieux blues, par exemple. Bon, mais j'étais obligé un peu de faire l'impasse sur ce qui sortait, parce que je dirais que, mis à part donc, le Crimson qui continuait donc, avec les trois albums, là, le rouge, le bleu et le jaune, à traverser le début des années 80 avec bonheur, bon, j'aimais bien aussi Police, par exemple, dans ce qui se faisait dans cette période-là. Ou des choses comme Simple Minds, que j'ai aussi pas mal écouté. Mais autrement, c'est vrai que... C'était assez désertique. Voilà, quoi. C'était assez superficiel. Voilà, hein. Voilà une période quand même, je dirais, pauvre musicalement, où on a... Je dirais même qu'on a tout fait pratiquement pour que ça soit ça, quoi. Hein. Il y a eu vraiment... Bon, le punk, c'était très bien au début, parce que c'était original, il y avait quelque chose, c'est vrai. Et un retour aux sources qui était peut-être mais ensuite, ça a été archi-récupéré, donc c'est devenu un genre... Enfin, ça a été hyper médiatisé, bon, ça a perdu toute force, c'est devenu simplement le nivellement par le bas. Et alors, les années 80, donc pour toi, c'était les années fun, mais les années superficielles, quoi. Voilà, c'est ça. Des années de transition où on rejetait les valeurs des années 70, comme Jimi Hendrix, Led Zeppelin, des trucs comme ça, ou les Who, les Stones, les Beatles, tout ça, ça faisait ringard d'écouter ça. Ouais. Ça marquait mal, comme on dit à Marseille. Mais on proposait rien en retour, quoi. Oui, on proposait... Pas grand-chose. Du pas bon, voilà. Ah ouais, d'accord. Et comment tu vois les années 90, alors ? Bien justement, là, comme j'ai 38 ans actuellement, donc je suis plus un jeune. Mais par contre, étant aussi un petit peu professeur de guitare, donc sur Marseille, j'ai des élèves quand même relativement jeunes, puisque bon, les plus jeunes ont 16 ans et ça va de 16 à 25 à peu près. Et donc, bien, j'ai beaucoup d'espoir parce que. Bah une anecdote, mes plus jeunes élèves, par exemple, ont découvert Lenny Kravitz, ont trouvé ça bien. Bon, moi, je leur ai dit qu'avant Lenny Kravitz, il y avait eu autre chose. Et ils ont eu la curiosité d'écouter Jimi Hendrix ou Led Zepp. Et puis, ils m'ont dit, ben, finalement, on préfère les autres. Ouais, les originaux. Voilà. Ouais, mais voilà. Ça revient bien en force, hein. Je pense que la vague 70s, c'est une mode, voilà, tout à c'est fait. Un peu superficiel, mais il y a quand même un retour. Mais c'est bien que cette mode touche quelque chose de profond, ce qui fait qu'il en restera toujours quelque chose. Puis c'est bien, parce que bon, moi je considère que la génération des années 80, musicalement, a été un peu sacrifiée, c'est-à-dire on leur a dit, voilà, il y a ça, ça et ça, débrouillez-vous avec ça, et malheureusement, ben, c'est un constat, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui ont dans les 25 ans, quoi, et qui n'ont finalement pas bénéficié d'une bonne culture musicale. Ils vont être obligés de mettre les bouchées doubles, parce que les petits jeunes qui arrivent derrière, qui sont justement des fans de Hendrix ou des choses comme ça, eh bien, j'ai vu que leur niveau musical en cours de guitare, ils progressaient à vitesse grand V par rapport à ceux qui étaient plutôt des fans d'Indochine ou même de The Cure, qui pourtant est un groupe intéressant, mais qui ne va pas très loin, quoi, hein, musicalement parlant, simplement. Voilà, donc extrait du premier album Éclat de Verre. Alors Alain, j'aimerais quelques commentaires d'abord. Pourquoi on est passé d'Éclat de Verre à Éclat ? Et avant de me répondre à cette question, comment s'est fait ce premier album ? Comment s'est déclenché l'aventure Éclat de Verre et ce premier album ? Raconte-moi un petit peu les origines. Eh bien les origines, donc on avait monté donc avec Denis Carnevali, le chanteur d'Éclat de Verre, un premier groupe qui s'appelait Carnevali Rock. Donc c'était... Le propos était donc de marier le rock avec la poésie, ce qui est devenu un petit peu le slogan d'Éclat de Verre. Donc on a fait pas mal de concerts sur cette formule-là. Et puis, un jour, on s'est dit, on pourrait peut-être aller plus loin que ça. Donc, peaufiner un petit peu le concept et essayer de passer à l'acte, c'est-à-dire d'enregistrer un disque. Bien, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis un peu à la recherche de labels. Et on a trouvé, c'est plutôt ce label-là qui nous a contactés, Multipus Productions, qui nous a donc aidés à sortir l'album Éclat de Verre. Voilà donc pour la Multipus, première partie. Multipus, c'était ou c'est quoi? Multipus, je pense que ça a dû disparaître. Eh bien, c'était un tout petit label donc, qui a dû produire deux ou trois albums à ma connaissance, mais qui n'avait que très peu de moyens, donc ça ne pouvait pas aller bien loin. Et on a eu un petit tirage à 1000 exemplaires, enfin vraiment le petit truc pour commencer, quoi. Bah, c'est déjà pas mal. Ils étaient basés où? Alors ils étaient basés au départ, quand on a connu le gars qui s'en occupait, c'était basé sur Marseille. Ensuite il a déménagé, il est allé du côté de Bordeaux, mais depuis je n'en ai plus entendu parler. Et puis de toute façon, nous on a préféré pour le deuxième, cherché un label un peu plus important, et c'est là qu'on a choisi Muséa et que Muséa nous a choisi aussi. Les deux albums ont été enregistrés dans un studio à quel endroit? Alors le premier a été enregistré à Paris, au studio Jean-Félix Lalanne. On avait fait tout un travail avec l'ingénieur du son qui avait aussi enregistré pour Francis Cabrel. Et on l'a mixé à Cassis, au studio Sol. Par contre, pour le deuxième, on a préféré enregistrer et mixer à Cassis. C'était beaucoup plus pratique pour nous et évidemment aussi moins cher. Vous avez également un pied à Valence. Je crois que le manager est pas très loin de chez nous, là. Voilà, c'est ça. Celui qui s'occupe du management général d'Éclat est justement à Valence, oui, c'est ça. Ça explique d'ailleurs que vous ayez joué plusieurs fois à Lyon, si j'ai pas de bêtises, deux fois, je crois, que là, joué, non? Voilà. Donc, c'est sûr que c'est lui qui... Rappelle-nous un petit peu où ça s'est pas produit et dans quelles conditions. Eh bien, on a joué une fois à la MJC Jampton. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et il y avait un concert spécial progressif, puisqu'il y avait aussi le groupe Alias, qui est de la région, je pense. Tout à fait, oui. Voilà. Et autrement, on a aussi joué pour une émission... télé qui s'appelait Boomerang, c'était du live qui était retransmis en différé sur FR3, c'est ça. Et voilà, c'était pas vraiment un concert puisque c'était un mini concert, on avait joué que 4 titres je crois et ils en avaient choisi un qui a été diffusé. Et à cette époque là, quand je vous ai rencontré, il y avait le chanteur était parti. Voilà. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est assez simple, hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle des problèmes d'ego. Disons que nous, dans l'ensemble, on voulait vraiment un groupe à part égale. Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui se détachent un petit peu et d'autres qui sont un petit peu en retrait, mais ça se fait un petit peu naturellement, c'est jamais voulu. Et par contre, le chanteur, lui, avait plutôt la conception traditionnelle, c'est-à-dire un chanteur devant, des musiciens derrière. Et voilà, et donc au bout d'un moment, il s'est senti frustré. Quand il a commencé à voir qu'il y avait des morceaux de 10 minutes... Où il y avait un temps de chant de 2 ou 3 minutes et ensuite un développement musical de 5 ou 6 voire 7 minutes, eh bien, il s'est senti très mal sur scène et il s'est dit je préfère être tout seul que dans ce contexte là. Et alors il continue que tout seul comme ça alors? Actuellement il travaille seul, oui. Ouais. Et alors est-ce que je simplifie en disant que lui c'était la partie poésie et toi la partie progressive, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Eh bien, en simplifiant, oui, je crois qu'on peut, on peut dire ça, parce que quand on s'est rencontré, lui était surtout un chansonnier. Il avait surtout écouté Brel, Ferré, Brassens, donc la chanson française la plus noble en fait. Ouais. Mais strictement de la chanson. Il ne connaissait absolument rien, ni au rock, ni au progressif, ni à d'autres formes musicales, électriques. Alors que moi, c'était plutôt le contraire. J'avais jamais tellement écouté de la chanson. Par contre, j'ai toujours été sensible à la poésie. Donc, j'ai toujours aimé Rimbaud, Baudelaire, enfin tout ça. Quand il y a eu les groupes de progressifs, j'adorais Pete Sinfield, que tu connais bien. Oh oui. Et voilà. Et puis, les groupes italiens aussi qui avaient de très belles paroles, j'adorais ça. Et puis, tout ce qui s'est fait en France où il y avait des textes qui valaient le coup, j'ai toujours aimé. Mais je n'ai jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui écrive dans cet esprit-là. C'était le cas de Denis. Et je pense que ce sera encore plus le cas de Christian Descamps, en fait. D'accord. Et alors, le deuxième album, comment vous avez fait sans chanteur et sans parolier, comment, pour garder le cap, puisque le gap est tout à fait gardé, hein. Eh bien, alors, c'est vrai qu'on a connu des périodes difficiles, donc, puisque je me souviens, donc, au mois de septembre 91, le chanteur nous annonce par courrier qu'il s'en va. Mais bon, en lettre recommandée. Non, mais c'était un beau geste, c'est-à-dire c'était une lettre très poétique où il disait vraiment son sentiment et les raisons de son départ. Bon, ça c'était tout début du mois de septembre. Par contre, une semaine après, il fallait se trouver donc à Lyon pour l'émission d'FR3 et il fallait bien que quelqu'un chante. Aïe, aïe, aïe, il a fallu improviser alors. On a tiré au sort, j'ai perdu. Et donc... Et tu avais quelques expériences de chant au sein de Quartier Nord. Oui, oui, oui, là je plaisante. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... moi j'ai toujours chanté depuis les premiers groupes. Bon, dans Quartier Nord j'ai même chanté des morceaux en lead. Bon, assez peu, deux ou trois sur les trois albums. Mais j'ai toujours fait des chœurs et j'ai toujours été maître chanteur aussi, comme dirait Christian Descamps. C'est-à-dire c'est toujours moi qui me suis occupé d'arranger les voix, de diriger le chanteur, enfin tout ça, quoi, de la partie un peu bon direction artistique entre guillemets, quoi. Et ce qui fait que bon ben j'ai eu cette habitude très tôt, donc j'ai pu faire ce travail aussi pour moi-même, quoi, hein. Bien que là, le temps était très très court, quoi, puisque je me suis retrouvé donc d'une semaine sur l'autre à chanter alors que j'avais pas prévu ça, et le mois d'après on entrait en studio, donc tout a été très très vite. Alors on parle du deuxième album, je crois qu'on va écouter un morceau, et on a voulu faire un petit peu d'innover, quoi, et voulu passer un morceau live, c'est-à-dire que c'est un morceau du deuxième album, mais qui est en public, qui a été enregistré où et dans quelles conditions? Alors c'est un morceau qui a été enregistré au cours d'un festival qui a eu lieu à Soulac, donc au nord de Bordeaux, donc de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, et au mois de juin. Et bon, comme il y avait un très gros matériel pour ce festival, on en a profité pour enregistrer donc une cassette DAT à l'origine, dont j'ai pu faire des copies. Et j'aime bien faire écouter ça, parce que bon, même s'il y a les défauts un petit peu des concerts comme ça, disons, qui ne sont pas des grands concerts, on ne peut pas remixer après, bon, donc on a une prise directe, et les petits défauts de la prise directe, c'est-à-dire un son qui est différent d'un disque, et un mixage aussi qui est un petit peu différent. Par contre, ça permet vraiment de voir... un peu l'essence même de la musique du groupe, bon, y a, en situation de concert. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle équipe. Parce qu'entre, disons, la période du deuxième et maintenant, on a aussi le clavier qui a changé. Donc c'est aussi un peu pour faire écouter bon, notre nouveau clavier. Thierry Massé, ouais, qui est très bien, enfin que j'aime bien, et que j'admire beaucoup sur le plan musical aussi. D'accord. C'est Circus. Voilà, c'est Circus. Voilà, en live et en exclusivité sur Bande à Part. Et là, c'est parti pour 10 minutes. Circus, voilà, quel jeu de guitare, Alain, pour jouer aussi bien. Excuse-moi, mais comment tu as fait? T'es tombé dans une marmite quand t'étais petit, raconte-nous un petit peu. Non, mais je suis pas Obélix, mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait maintenant 20 ans que je joue donc dans de la guitare, donc ça fait quand même un bail. Et bon, ben, si on s'y met quotidiennement, ça te laisse quand même le temps d'avancer, de progresser, quoi. Et donc, moi j'ai eu un parcours, à peu près standard, c'est-à-dire j'ai commencé par écouter, bon, comme c'était le cas au début des années 70, donc des groupes de blues, de rock, Hendrix, Clapton et tout ça. Bon, j'ai tout de suite flashé là-dessus et je m'y suis mis d'arrache-pied. Ensuite, j'ai découvert donc les guitaristes comme Alan Holdsworth ou John McLaughlin. Bon, ben là, je me suis pris une grande claque. Je me suis dit, bon, ben là, il faut faire quelque chose. Il faut travailler pour essayer d'arriver un petit peu à faire comme eux, quoi. Et puis ensuite, bon, ben, je suis sorti un petit peu du domaine de la guitare puisque j'ai écouté pas mal de musique, je dirais, ethnique, notamment de la musique indienne. Et puis, j'ai complètement flashé sur les violonistes indiens comme Shankar ou Subramanian. Et à partir de là, bien, j'ai commencé à étudier un petit peu, bon, de manière informelle, je dirais, puisque j'ai pas pris de cours là-dessus et tout ça, un petit peu tout ce qui était raga, fonctionnement de cette musique qui me plaisait tellement. Et puis j'ai essayé d'intégrer ça dans mon jeu de guitare. Et puis bon, puisque c'est assez facilement adaptable à la guitare, puisque la guitare permet quand même, en tirant sur les cordes et tout ça, de faire entendre des intervalles un petit peu différents du ton ou du demi-ton. Puisqu'on peut arriver assez subtilement à sortir un peu de ça. Et voilà, et à placer des figures rythmiques aussi, un peu, disons, insolites, par rapport à la musique, disons, dite occidentale. Et voilà, et à partir de là, donc, j'ai pu un petit peu personnaliser mon jeu, puisque en mélangeant tout ça, ça donne quelque chose, bon, quand même, qui n'est pas très très courant, je pense. Ok, et est-ce que tu as pu t'exprimer sur Quartier Nord? Est-ce que tu as pu faire ce genre d'expérience, ou c'était plutôt de la guitare d'une façon assez courante, quoi? Non, mais Quartier Nord, c'était déjà à l'époque donc le même état d'esprit, c'est-à-dire que bon, on était un genre de melting pot, c'est-à-dire une base très hard dès le départ qui nous a fait souvent comparer à Trust, ce qui nous faisait enrager parce que en réalité, nous on a démarré un petit peu avant eux, donc on ne pouvait pas nous traiter d'imitateurs puisque étant donné qu'on était donc antérieur d'un an ou deux à nos débuts, bon, on ne pouvait pas s'être inspiré de Trust, c'est logique. Et donc, bon, ça nous embêtait un petit peu, cette comparaison, comme ça, quoi. Mais par contre, on était tous des fans aussi de Zappa, bon, et déjà de musique indienne et tout ça, ce qui fait que, bon, on intégrait tout ça dans une sorte de, je dirais, de rock un peu sophistiqué quand même, puisque la base était bien hard, mais il y avait aussi le progressif qui se profilait un petit peu derrière, et donc ça donnait quand même, je pense, une musique assez riche et variée, quoi. Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Tu nous présentes le morceau là que tu as sélectionné? Oui, donc c'est bien beau mettre les bains qu'on va mettre, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc, c'est un morceau donc très humoristique puisque c'est une parodie de. Enfin, le texte est une parodie de la prison de Marseille la plus célèbre, c'est-à-dire les Baumettes. Et on a donc rajouté les bains parce que c'est pas loin de la mer. Mais enfin, comme lieu de villégiature, on peut supposer qu'il y a mieux, quoi. Il y a mieux, oui. Voilà. Ok, c'est extrait de quel album? Alors, c'est le deuxième album qui est sorti donc en 81, ça nous rajeunit pas. Mm-hmm. Et donc, cet album avait été enregistré chez un petit label qui s'appelait La Sapem. Et bon, on a eu quand même eu la chance de bénéficier d'un assez bon studio d'enregistrement, donc le son, il est pas trop mal, quoi. Ok, tout de suite, Quartier Nord sur le 90.7.